nous voilà de retour sur Radio Libertaire 89.4 et ses bulles de rêve. Alors, c'était donc Busted et le titre c'était 3 a.m., 3 heures du matin. Voilà, c'est une découverte, un vent premier en France. Alors, pour revenir à cette histoire d'invitation pour la soirée d'ouverture, donc si des gens sont intéressés, ils peuvent appeler au 01 43 71 89 40. Ils laissent leur adresse. Et Ghislaine Zano se fera un plaisir de leur envoyer une invitation pour l'ouverture. Voilà. Merci Ghislaine. Et moi aussi j'aurai le droit d'y aller. On va parler maintenant d'une exposition avec Annabelle. Annabelle Sebag nous a fait beaucoup d'infidélité oui, ces derniers temps. Alors il a fallu que je l'invite à l'émission pour qu'elle revienne. Mais elle fera sa chronique quand même. Tout à fait. Ouais. Un dîner. J'ai failli aller jusqu'à la fin. Mais bon, elle vit sa vie. Hein. Alors, Annabelle a créé une association qui s'appelle La Vache à Plumes. Donc, elle va nous dire un mot tout à l'heure. Et elle a organisé une exposition à la Maison Folie de Maubeuge. Alors, c'est pas tout près d'ici, mais non. C'est quand même très accessible depuis Paris. Oui, ça va, c'est 2 heures de train. Voilà. Et alors, c'est un lieu magnifique. Très beau, ouais. Ouais. Avec des pierres partout, des poutres, du parquet, des grandes fenêtres, c'est très lumineux, c'est magnifique. Bon, alors, un petit mot d'abord sur La Vache à Plumes, c'est quoi La Vache à Plumes? Alors, La Vache à Plumes, c'est une association que j'ai créée au mois de mai dernier, parce que j'avais plein d'idées et pas forcément de structure pour pouvoir faire ça. Donc, on propose plein de dispositifs autour du cinéma d'animation, que ce soit des projections, donc des expositions, des rencontres, des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Voilà, donc on a déjà fait quelques projections, principalement en fait dans des bars, ce qui permet de rencontrer un public différent de ce qu'on voit en festival ou dans les salles de cinéma, c'est assez intéressant. Et puis on en a fait une en plein air, ça c'était vraiment très chouette. C'était où ? C'était en fait dans le cadre d'une fête de quartier, c'était Passage des Petites Écuries dans le 10e. Donc on avait installé un grand écran, et il y avait plein de gamins partout, c'était génial. Et puis donc cette exposition à Maubeuge. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette exposition ? Alors en fait c'est une exposition sur les techniques du cinéma d'animation, donc avec 3 salons principaux pour représenter les 3 grandes familles des techniques du cinéma d'animation. Donc la 2D traditionnelle, entre guillemets, le volume et l'animation par ordinateur, enfin assistée par ordinateur, donc que ce soit les pures images de synthèse ou la 2D numérique. Donc on aura. On essaye en fait de répondre à la question comment fabrique-t-on un film d'animation ? Donc on va essayer de montrer un petit peu. Toutes les étapes, donc vraiment des croquis préparatoires aux images finales extraites du film, en passant par le storyboard, les esquisses des personnages, des décors, donc selon les différentes techniques, avec des cellulos pour les techniques plus traditionnelles, des choses au pastel, au crayon, et puis pour le volume, plein de marionnettes dans plein de matériaux différents. Voilà, et puis on aura aussi un salon, disons, de pratique. Parce que c'est vrai que quand on expose simplement les documents comme ça à la suite, bon, c'est bien, mais en même temps, en ressortant de l'exposition, on ne comprend pas forcément exactement comment finalement le dessin fixe au bout du compte, il se met à bouger. Donc on a installé des espèces de mini-ateliers où les gens vont pouvoir manipuler des marionnettes, où il y aura des petites vidéos qui montreront des animateurs en train d'animer en direct une marionnette. Il y aura des tables d'animation où les gens pourront, donc des tables lumineuses, où les gens pourront dessiner et voir comment ça se passe quand on met les feuilles les unes sur les autres, voir comment ça s'anime. Des ordinateurs aussi avec des petits logiciels pour faire des petites animations en 3D. Et puis on aura aussi quelques objets pré-cinématographiques, un praxinoscope et puis des flipbooks aussi. Avec des bandes d'Émile Reynaud. Voilà, exactement. Pas des bandes merci l'association les Amis d'Émile Reynaud parce que Au début, j'étais partie pour construire un praxinoscope et puis franchement, c'est un peu compliqué. Quoi, et avec un éclairage aussi sur un film particulier qui est Fast Film de Virgile Ouais. Lebrich. Alors moi, je ne me suis pas occupée de cette partie-là de l'expo, mais c'est une expo que j'avais vue dans le cadre du Festival d'Annecy. Et c'est un film qui est complètement hallucinant, avec une technique complètement folle. Et c'est vrai que donc c'est en fait du papier découpé sur lequel sont projetées image par image en fait des images extraites de films assez connus. Et c'est vrai que de voir après ces papiers découpés mis les uns à la suite des autres, c'est complètement fou. C'est un travail, je sais pas combien de temps a mis le réalisateur pour faire ce film, mais c'est complètement fou. Donc on voit ça donne quoi dans une exposition? Eh ben ça donne, je sais pas, imaginez une très grande vitrine où il y a en fait un cheval plié en origami. Oui. Et donc il y a, je sais pas, disons une centaine de chevaux pliés de façon différente pour donner l'illusion, je sais pas, d'un cheval qui galope quoi. Et donc c'est complètement dingue. Et pourquoi c'est nécessaire de parler des techniques? On parle souvent des techniques quand on parle de cinéma d'animation. Bah, je pense que c'est intrigant. Enfin, même moi qui connais un petit peu l'animation, c'est vrai qu'il y a des films, je me dis mais comment c'est possible? Comment c'est fait? C'est vrai que après de voir ça décortiqué, c'est je sais pas, quelque chose de magique quoi. Je pense que c'est fascinant, vraiment fascinant. Ouais. Et en même temps, il y a des gens qui réagissent autrement, qui disent « je ne veux pas savoir comment c'est fabriqué, finalement ». Ben, ils ne viennent pas, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui viennent et qui sont toujours, toujours très attentifs à la technique. C'est étonnant, j'ai constaté. Ils aiment bien qu'on leur raconte comment c'est fait. Et c'est vrai que c'est très différent d'un film en vue réelle, même s'il y a des éléments qu'on retrouve. Et là, c'est peut-être la variété des techniques possibles en animation qui fascine un petit peu. Les supports, la façon de faire... très très très très variable. D'ailleurs, on en invente toujours, même si les grandes familles existent, elles. Mais c'est vrai que les matériaux qu'on utilise pour faire des films, on peut toujours inventer des choses nouvelles. Ils s'en valent peut-être de céder à une illusion. Et alors, ils disent, comment c'est possible? Puis quand on leur explique, ils ont une espèce de satisfaction. Ah, bon, c'est comme ça, maintenant, je vois. Mais peut-être aussi qu'il y a... Dans le cinéma d'animation, on retrouve un peu ce plaisir de la manipulation, du bricolage et tout ça. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui fascine dans une exposition comme ça. Ouais. Surtout si les gens peuvent eux-mêmes ensuite manipuler. Ça, bon, c'est un petit peu les jouets des enfants ou l'artisan qui bricole. C'est vrai qu'il y a un côté très, très physique, très de manipulation comme ça. C'est un vrai bonheur qui est très particulier, je pense. Ouais. Mais je pense, franchement, ça fonctionne bien. Quoi. Alors, on pourra plier les petits papiers. Bah oui, il y aura même des petits flipbooks à découper et à graffer. Et les marionnettes. Il y a des marionnettes de films qui vont être manipulées par des tas de gens comme ça. Ouais, alors en fait c'est une marionnette assez simple qui a été faite par Denis Valgenwitz et qui l'utilise dans le cadre de ses ateliers. Mmh. Et donc c'est vraiment une marionnette qui craint plus rien. Mmh. Donc il n'y a pas de souci quoi. C'est que la tape dans tous les sens. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que juste à côté, en fait, il y aura une VHS qui montrera une animation en direct quoi. Donc ça permettra vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne. Ah oui, ou une démonstration de l'animation de la marionnette. Voilà, exactement. Donc il y aura un animateur en train d'animer en direct. On verra image par image comment la marionnette se met à bouger. Et les gens pourront voir les films d'où en sont tirés les... Oui, bien sûr. Il y aura deux grands espaces de projection où les gens pourront retrouver les films dont sont extraits les éléments exposés. Magnifique. On va tous aller faire un petit séjour à Maubeuge. Alors ça commence quand? Alors, ça commence le 20 octobre, donc le vernissage a lieu à 17h30. Ouais. Et ça dure jusqu'au 14 novembre, donc à la Maison Folie de Maubeuge. Voilà, on a le temps aussi d'aller à la fois à Beaubourg et aller à la Maison Folie de Maubeuge pour découvrir tout ça. Ça fait presque les mêmes dates, on va dire. Hein, 3 semaines. Finalement, il faudrait qu'on fasse la fête du cinéma d'animation durant 3 semaines. C'est la bonne période. Hein. C'est la bonne période. Merci Annabelle. Qu'on retrouve tout à l'heure. Oui. Et puis on va réécouter un petit peu. On va réécouter un petit peu de Busted. C'était pas mal, non? Hein, on écoutera un autre titre. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'était toujours Busted avec Ovena. Et maintenant, on va aller à Pontecorvo. Enfin non, on reste à Paris, mais néanmoins, on va parler de ce qui se passe au cinéma Apollo à Pontecorvo avec Denis Clabeau. Alors, vous avez créé un festival pour l'occasion. Oui. Alors, ce festival s'appelle, que je retrouve le titre exactement, Première Perle de l'animation. Alors, en quoi ça consiste ? Pour bien expliquer ça, au cinéma Apollo, on a une longue histoire sur le court-métrage. On diffuse énormément de court-métrages. Enfin, on fait des soirées court-métrages. On a, il y a 4 ans, et là on est à la 5e édition, donc on a créé un festival du premier court-métrage afin de donner des chances aux jeunes réalisateurs, aux premiers essais cinématographiques. Et durant ces 5 années, on a essayé de temps en temps d'introduire des courts-métrages d'animation dans le programme, dans le programme en compétition, ce qui n'était jamais réellement facile, parce que ça crée des disproportions de qualité. Enfin, on n'était pas très à l'aise avec un programme dans lequel on présentait des prises de vue réelles et des films d'animation. Et puis ben là, l'occasion s'est présentée parce que ben, effectivement, il y a cette fête du cinéma d'animation. Et que, en même temps, depuis pas mal d'années là déjà, régulièrement, parcourant différents festivals, je ramène dans ma sacoche des idées, des films, des images dans ma tête. Et j'avais un jour envie de montrer toutes ces images. Je me dis, c'est dommage que ça se perde, c'est des premières œuvres de qualité, il faudrait vraiment qu'on puisse les montrer. Et je travaille avec une équipe assez formidable, avec un président d'association qui est très branché cinéma d'animation. Et qui a donné le feu vert pour créer ce festival. Et donc c'est un festival compétitif. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Quel est le jury Alors, pour expliquer un petit peu tout ça, ça aussi c'est autre chose. On a une soirée d'ouverture, une soirée de clôture. Soirée d'ouverture, on va passer des premières œuvres d'animation qui datent un petit peu, de ces 5-6 dernières années, mais qui ont marqué, d'accord ? On l'espère en présence de réalisateurs. La soirée de clôture sera consacrée à des secondes œuvres d'animation, pour un petit peu expliquer qu'après un premier court-métrage, il y a une vie. Ça continue. Il y a parfois un second, pas toujours. Parfois un second, et puis quelquefois un troisième pour certains qui ne pourront pas être là justement parce qu'ils travaillent sur le troisième. Donc ça nous tenait un petit peu à cœur. Et puis au milieu de tout ça, pendant toute la semaine, la diffusion de deux programmes de compétition, de films plus récents. Il y a un prix du jury et un prix du public. Alors, le public, on sait ce que c'est, ils viennent tous, ils peuvent voter, il n'y a pas de souci, pas de problème. Le jury, c'est une classe avec laquelle je travaille depuis l'année dernière, qui va travailler beaucoup sur le cinéma toute cette année et qui va se mettre un petit peu en position de jury là, à l'occasion de ce festival. Et ils ont quel âge? C'est une classe de... Une classe de CM1, CM2. Voilà, cycle 3. C'est des petits, oui. Voilà, cycle 3. Et ils vont voir la totalité des films qui sont en compétition, et puis ils vont porter un jugement. Voilà. Leur travail, pour le moment, consiste pas forcément à... Enfin, ils ont eu l'occasion, l'année dernière, de correspondre avec une classe qui était jurée dans un autre festival, et de comprendre toute la difficulté qu'on pouvait avoir à porter un jugement sur un film. Là, maintenant, ils ont un petit peu oublié ça, parce que les vacances sont passées. Et depuis la rentrée, en fait, surtout leur attention est canalisée sur la fabrication des trophées. Parce qu'en fait, les trophées qui... on aborde tout. Hein. Les trophées qui vont être offerts aux lauréats sont des trophées qui auront été réalisés par cette classe d'enfants, en collaboration avec une artiste en résidence sur la ville de Ponto, qui a elle-même réalisé le trophée qui est offert dans le cadre du festival du premier court-métrage, le très officiel festival du premier court-métrage, et qui est venue trouver les enfants, pas plus tard encore que cette semaine, pour leur expliquer comment elle avait réalisé son trophée, discuter avec les enfants de ce que c'était qu'un trophée, et là maintenant ça y est, ils sont partis, ils ont plein d'idées, ils savent que c'est un festival de films d'animation, et ils sont en train de récupérer plein de choses, du matériel, et ils sont en plein, depuis ce matin d'ailleurs, à la conception de ces trophées. Annabelle ? Oui, en fait, vous avez dit que c'est un festival compétitif. Mm-hmm. C'est des réalisateurs qui vous ont envoyé les films ou c'est vous qui avez choisi ? Ah, c'est moi qui les ai choisis, en fait. Enfin, peut-être de manière assez arbitraire, mais j'étais bien aidée de d'autres personnes que, présentes ici. En fait, ces films, je les ai découverts dans le cadre de festivals, notamment à Annecy. J'avais très envie de les montrer. Non, ça n'a pas vraiment été des propositions. Certains nous ont été proposés dans le cadre de la sélection qu'on fait pour le festival du premier court-métrage. Mais ils n'avaient pas été retenus parce que, comme je disais tout à l'heure, on rencontrait vraiment une difficulté énorme. Le comité de sélection rencontrait vraiment une difficulté à intégrer des films d'animation au sein d'une compétition comme ça. Vous croyez qu'il y en a des membres du jury, enfin des gens qui doivent juger les films, n'arrivent pas à juger des courts-métrages en vue réelle avec des courts-métrages d'animation? Alors je ne sais pas si ça vient, je sais pas si ça vient du fait qu'ils se placent à la place du jury, qu'ils se posent à la place du jury, ou si c'est eux en tant que comité de sélection. Oui. Non, voilà. Je parle les gens, enfin jury de sélection. Le jury de sélection, oui, il est souvent un petit peu mal à l'aise face aux films d'animation. Enfin, moi, je les connais, ils sont remarquables pour ce qui est de choisir des films dans le cadre du festival du premier court-métrage. Remarquables pour ce qui est de porter un jugement aussi sur les films en prise de vue réelle. Mais ils l'avouent très honnêtement et modestement, quelquefois ils sont un petit peu désarçonnés face aux films d'animation. Donc c'était bien, c'était une opportunité, on l'a saisie et on est absolument ravis. Et ça y est, j'ai oublié ma question, c'est pas grave, j'en trouvais une autre. J'avais une question dans l'esprit qui m'est complètement sortie de la tête. Oui, pourquoi les premiers films? Alors là, c'est encore parce que du 8 au 20, donc hier, on avait l'ouverture du festival du premier court-métrage. Et vous enchaînez les deux? On enchaîne, on s'est dit, tiens, on et est après, dans une la semaine même. De vacances. Oui, ça fera du bien pour tout le monde. On s'est dit qu'on enchaîne. Mmh. Toute l'équipe du cinéma était partante. Mmh. D'accord, projectionniste. Parce que ça fait quand même, là, avec le festival du premier court-métrage, donc un programme, deux courts-métrages à monter. Là, il y en aura quatre pour première perle d'animation. Des rendez-vous assez importants avec les soirées d'ouverture et de clôture. Mais tout le monde était partant. Mmh. Mais les premiers films, vous auriez pu faire un festival de court-métrage classique, que ce soit en vue réelle ou en animation. Alors ça, c'est par rapport à l'histoire du cinéma Apollo, d'accord. On s'inscrit dans cette lignée, puis en même temps, on a vraiment envie d'aider ces jeunes réalisateurs. Encore hier, lors de l'ouverture, on m'a demandé un petit peu de présenter le festival Première Perle d'animation, et j'expliquais... Parce que depuis quelques années, avant du programme de compétition, on montre les bandes annonces que réalise l'école des Gobelins pour le festival d'Annecy. Parce que ce sont aussi des premières œuvres, quelque part. Et j'expliquais tout simplement la difficulté que peuvent avoir de jeunes réalisateurs à vivre et à porter leurs films et à montrer ces films-là. Donc c'est bien qu'il y ait quelque part un rendez-vous où c'est à eux qu'on rend hommage, même s'ils sont tout jeunes, qu'on montre qu'on y croit et qu'il y a un véritable vivier. Toute la difficulté pour moi est de m'assurer, par exemple, dans le cadre de la soirée d'ouverture et de la soirée de clôture, de la présence des réalisateurs, parce qu'ils sont pieds et poings liés avec les maisons de production, avec ceci, parce qu'ils ont des... Enfin, on connaît le problème des intermittents du spectacle, on ne va pas en reparler mille et une fois, mais voilà, ils sont face à une réalité et ils ont du mal à vivre. Et je pense que ce genre d'initiative et d'opération ne peut que les encourager et les aider, quoi. Nous, on croit en eux. Mais en fait, le premier film, ça peut être un film de fin d'études comme un premier court-métrage professionnel. Dans le cadre du festival, oui, Première Perle d'animation, tout à fait. On passe par exemple L'Enfant de la haute mer. C'est un film de fin d'études. Un film de fin d'études. Je crois que Le Trésor du Tétard Salé aussi. Picor, voilà, de François Bertin, La Poudrière. Un film de Superfocom et deux de La Poudrière, eux ont la chance de passer en 35 mm, ce qui explique leur présence. Voilà, parce que pour le moment, de films en vidéo. Pour le moment, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir très rapidement s'équiper, mais pour le moment, on ne peut pas diffuser en vidéo, donc c'est 35 ou 16. Si on compte les films de fin d'études plus le premier film professionnel, est-ce que vous vous rendez compte qu'en matière de cinéma d'animation, ça représente à peu près 80% de la production de court-métrage si on compte les films en vidéo. En fait, c'est un paradoxe, mais c'est ça. En fait, la plupart des films d'animation aujourd'hui sont quand même des films de fin d'études en format vidéo la plupart du temps, éventuellement, ouais. Parfois ils ont un tirage en 35 mm, mais finalement ça représente l'essentiel de la production en cinéma d'animation. C'est un paradoxe. Oui, paradoxe. Mais c'est pas. Enfin, là, dans notre programmation, je pense qu'il y a aussi énormément d'autres films qui ne sont pas. Des films de fin d'études. Donc, on a aussi envie de défendre très, très fort, quoi. Je voulais juste parler, par exemple, de Ligne de vie qu'on va diffuser. Un premier film un peu particulier. Un premier film très particulier que vont voir des enfants de cycle 3, donc CE2, CM1, CM2. Quand j'ai parlé de ça. Il y a eu des points d'interrogation au-dessus des têtes. Donc, pour rappeler le thème de Ligne de vie, donc. Ben, c'est les camps de concentration, en fait, c'est la vie dans les camps de concentration. Hein, mais ceci dit, j'ai gardé présent à l'esprit que le jury jeune à Annecy, c'est le film qu'il avait choisi sur toute la compétition. Et dans tous les festivals, c'est un des films qui fonctionne le mieux avec, les enfants de stage là, quoi. Voilà. Il reçoit tous les prix jeune public ou ouais, c'est ça, hein, c'est fou. L'inventeur fantôme aussi, qui est pas forcément un film facile, hein, de Franck Dion, mais qui cette année aussi avait le prix du jury jeune à Annecy. C'est non, mais on est parfois surpris par les choix des jeunes, en fait. Tout à fait donc voilà, on n'a pas fait un programme de compétition pour les petits. Voilà. Mais c'est pas particulièrement des films pas des films jeune public, quoi. Non, tout à fait. Je veux dire, Routine par exemple, non plus, n'est pas forcément un film. Enfin, je veux dire, tout le monde peut le voir. Il y a une multitude de lectures sur ce film à faire, et c'est ça qui est extraordinaire. Et dans leur délibération, les jeunes membres du jury, donc, ils sont accompagnés d'un adulte. Ils débrouillent comment pour. Mais en fait, il y aura leur institutrice et moi. Ouais, d'accord. Voilà, leur institutrice et moi. Et vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, donc d'un jury jeune? Moi, personnellement, oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que ça a de particulier? Ben, c'est intéressant. Au départ, on a toujours un petit peu de mal à leur faire rappeler qu'il y a effectivement un contenu, mais il y a aussi une forme, et qu'il ne faut pas oublier la forme au dépend du contenu. Ils privilégient plutôt le contenu. Ah oui, systématiquement. Et puis le contenu drôle. Voilà, c'est ça, hein, souvent, dès le départ. Et puis après, quand on parle, quand on cause, quand on discute, on argumente, on voit, on reparle des films, au besoin on revoit quelques extraits, il y a toujours une réflexion qui est pertinente. Mais vraiment, des choses comme ça qui sortent et qui, moi, me surprennent, parce que souvent, ils me parlent de choses qu'ils ont vues dans le film, que moi, je n'ai pas encore vues. Pourtant, je l'ai peut-être vu plein de fois, et ça, c'est assez hallucinant. Je vais juste donner un exemple. Alors là, ce n'était pas du tout dans le cadre d'un jury, mais un exercice auquel je m'étais prêtée avec des enfants de maternelle, de grande section maternelle. Je leur avais fait écouter la bande-son d'un film, film de Nicolas Bélanger, Alice. Et puis, il y a un enfant qui me parle d'un train. Et moi, le film, j'avais vu 20, 30 fois. J'avais pas vu de train. Il n'y a pas de train dedans. Il n'y avait pas de train pour moi. Et en regardant, elle m'a montré où il y avait un train. Enfin, parce qu'elle l'avait écouté. Elle avait écouté seulement, elle n'avait pas regardé l'image. Et moi, je suis plutôt portée par l'image. Donc, l'importance de travailler sur le son et l'image, l'audiovisuel. Et elle m'a montré qu'il y avait un train, effectivement, dans le train. On entend un train dans le film. Oui, oui. Non, c'est pas qu'on entend un train. À un moment, il est question d'un train, quelque part. Et elle, c'est ce qui l'avait accroché. On est toujours extrêmement surpris par leur qualité d'écoute, de réception. C'est pas un sous-public. C'est un public extrêmement exigeant. Public jeune, c'est ce qui est passionnant, quoi, dans le travail que je fais, quoi, dans le boulot que je fais. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le cinéma d'animation? La diversité des techniques. On en revient encore à ça. Forcément, c'est fabuleux. Quoi. La facilité avec laquelle on peut faire passer des émotions extraordinaires. Le cinéma, c'est raconter des histoires. J'ai un rapport très affectif au cinéma parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, sans mon grand-père. Mon grand-père, je l'ai su qu'à la mort de ma grand-mère, ça. Hein. Mon grand-père avait été projectionniste à ses heures perdues. Et c'est un secret de famille, on n'en avait pas parlé. Et moi, très tôt, j'ai voulu travailler dans le milieu du cinéma, je ne sais pas pourquoi. Quoi, quelque part, c'est génétique. Et ma grand-mère avait tendance à me soigner de nombreuses fois au cinéma. Avec le cinéma. Elle soignait mes peurs, mes angoisses en montrant des films. Et c'était souvent des films d'animation. On a été élevés, enfin, on est des enfants de la télé, la télé était déjà présente à l'époque, et où elle m'emmenait au cinéma aussi, de rares fois, mais elle m'emmenait au cinéma parce que je me souviens qu'une fois, je raconte, c'est une anecdote, mais j'avais très peur de mon ombre dans l'escalier qui montait à ma chambre, parce qu'il y avait une lumière tout en haut de l'escalier, et en fait, cette lumière projetait mon ombre dans l'escalier. Et alors c'est tout bête à dire, ma grand-mère voit ça, elle se dit il faut qu'il s'amuse avec son ombre, il faut qu'il s'amuse avec son ombre. Et elle m'a emmené voir Peter Pan de Walt Disney pour que je m'amuse avec mon ombre. Mmh. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur la qualité des productions de Walt Disney, mais ceci dit, le cinéma d'animation a toujours fait une partie intégrante de ma vie, de mon éducation, de ma. Voilà. Et, voilà, puis après il y a eu Paul Grimaud, puis après il y a eu voilà, Lalou, enfin Topor, enfin tous ces grands quoi. Ça marque. Eh bien, merci Denis Clavaux. On va faire une dernière pause musicale et cette fois-ci je vous propose d'aller faire un petit tour en Argentine après Cuba avec Atahualpa Yupanqui. On n'entend plus beaucoup d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui était assez connu, c'est un grand chanteur argentin d'origine indienne. Une très belle chanson qui s'appelle Vengo a buscar mi caballo, prononcée à l'Argentine, s'il vous plaît. Et voilà, et on se retrouve après pour terminer l'émission.